Ici Nathalie Quinard au micro, vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1. Vous avez des enfants, des petits-enfants ou vous côtoyez des enfants. Ils vous ont sûrement déjà submergé de questions du genre « Comment ça marche une batterie? Pourquoi ma lampe de poche éclaire-t-elle si elle n'a pas de fil électrique? Pourquoi je vois un arc-en-ciel quand j'arrose l'auto? » Ou encore « Pourquoi il y a tant de couleurs dans un arc-en-ciel? » Pour vous aider à leur répondre, vous pourriez vous procurer les deux derniers livres des frères Martin et Stéphane Brouillard sur les circuits électriques et la lumière. Dans chaque ouvrage, on suit un personnage qui se pose de multiples questions. Dans celui sur la lumière, par exemple, Iris, 10 ans, se demande d'où viennent les couleurs qui surgissent quand elle arrose des plantes sous le soleil. On suit la réflexion de la jeune fille et on l'accompagne dans la réalisation de diverses expériences scientifiques que l'on peut même reproduire avec ses enfants à la maison. Ces deux nouveaux fascicules font partie de la collection Les neurones atomiques Explore qui compte quelques 12 livres édités par les éditions Multimonde. Les auteurs, les deux auteurs, ont fondé ensemble Les neurones atomiques en 2004, un organisme qui a notamment comme mission de soutenir les enseignants dans l'éducation aux sciences. Pour nous présenter ces deux fascicules de vulgarisation scientifique, nous avons avec nous au téléphone l'un des auteurs, Martin Brouillard. Bonjour Martin. Bonjour. Dites-nous, pourquoi vous avez choisi les thèmes de la lumière et des circuits électriques pour ces deux nouveaux fascicules? Ben, en fait, c'est assez simple. Nous, on a 28 ateliers qu'on utilise pour nos animations de sciences dans les classes au primaire. Oui. Puis l'idée de ces livres-là, c'était vraiment d'offrir des outils pour les enseignants dans un premier temps pour faire des activités qui allaient comme être une suite à nos ateliers. Puis après ça, ben, que les livres soient pour une utilisation autonome pour des gens qui n'ont pas vu nos ateliers. Okay. Quand on les a choisis, en fait, on a regardé une douzaine de nos ateliers qui étaient les plus propices à un livre dans lequel il y aurait des expériences. D'accord. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on est arrivé avec nos... on est rendu à 12 livres. Oui, c'est ça. Fait que quand on a fait les circuits puis la lumière, c'était nos deux derniers. Oui. Puis, en fait, il y en a deux autres qui sont en production en ce moment. Oh. Fait, quand on les choisit, en fait, c'est vraiment pour tout leur potentiel d'expérimentation puis de lien avec le quotidien des enfants. Ah, c'est bon. Et je me demandais, moi, à quel groupe d'âge s'adressent vos livres? Mais en fait, ils sont faits pour de la lecture autonome à partir de 8 ans. OK. Fait, ils ont vraiment été designés comme ça. À partir de 8 ans, un enfant peut prendre ça, trouver du matériel autour de lui puis explorer. Oui. Avant ça, ça prend une lecture accompagnée. Soit oui, donc oui. Avec un parent, un grand frère, grande sœur, mm-hmm. Ou un prof. Oui, et même à 8 ans, et toujours, c'est aussi bien d'être accompagné pour ce qui est des expériences, du moins. Ben, on le souhaite, oui. Effectivement, parce qu'il y a toujours du danger potentiel. Même si on dit toujours, bon, telle chose, fais attention, là, mais oui, c'est mieux d'être accompagné toujours. Effectivement. Vous parliez tantôt que, dans le fond, vous avez rédigé vos livres en fonction des ateliers. Donc, à l'origine, quand vous avez décidé de faire les premiers livres, est-ce que c'était la même chose? Vous aviez déjà des ateliers, puis vous avez décidé de rédiger des livres? Bien, tout à fait. En fait, nous, on existe depuis 2004. Puis notre mission, c'est vraiment d'offrir des ateliers d'animation puis d'exploration scientifique en milieu scolaire. C'est vraiment ça qui fait les neurones atomiques. C'est notre mission première. Les éditions Multimonde, quand ils nous ont approchés, ils sont vraiment partis de là. En disant, bien, vos ateliers, c'est intéressant. Est-ce que vous offrez des outils aux profs? Puis à l'époque, on en avait, mais on n'allait pas plus loin que ça. Fait que c'était vraiment de dire, est-ce que ça s'exporte? Que vous faites vivre dans des ateliers, est-ce que ça s'exporte? Et aussi, est-ce que ça peut être totalement indépendant? Donc, quelqu'un qui ne vivra jamais vos ateliers quelque part dans la francophonie, qu'est-ce que vous pourriez y faire vivre? Oui, d'accord. C'est vraiment né comme ça. C'est vraiment quelque chose qui pourrait accompagner, mais qui est totalement indépendant si quelqu'un n'a pas la chance de vivre nos ateliers. Puis comment ça distingue justement vos livres de d'autres ouvrages de vulgarisation sur des thèmes similaires, par exemple? Ben en fait, nous autres, c'est qu'on trouvait beaucoup dans la littérature jeunesse. On voyait beaucoup d'affaires. Des fois, c'était, par exemple, un livre sur les araignées. Ben, là, c'était intéressant. Il y avait un thème qui pouvait être scientifique parce que, on s'intéresse aux araignées, mais souvent, ça allait être très informatif. Fait que nos livres, ce qu'on a essayé de faire, c'est de mettre tous les ingrédients qu'on aime souvent dans des ouvrages qu'on trouve pour les jeunes, mais que tout soit là. Fait que donc, il y a du contenu notionnel qu'on apprend, qui est vulgarisé. Oui. Mais tous nos livres ont aussi une trame. Il y a toujours une narration, il y a une histoire. Puis à travers ça, puis aussi il y a des expériences. qu'on voyait, ce qu'on voit autour de nous, c'est soit des livres d'expérience, soit des livres d'histoire avec mm-hmm. pas beaucoup de science, ou des livres avec beaucoup de notions, mais on n'avait jamais vu, et c'est un peu ce que la maison d'édition nous proposait, quelque chose dans lequel il y aurait ces trois ingrédients-là. Oui. C'est-à-dire une trame narrative, des expériences et des explications scientifiques vulgaires. Mmh. Ah, c'est bon. Et puis, bon, vous disiez tantôt que justement, les livres sont nés à partir des ateliers qui existaient déjà. Ces ateliers-là sont destinés à des enfants de 5 à 12 ans. Est-ce que vous en avez qui sont sur l'électricité, donc est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu? Oui, nous, c'est un terme qui... Ben, c'est mon frère puis moi, on a comme... On aimait vraiment ça, la physique, je pense, au départ. Fait qu'on a comme développé beaucoup d'ateliers sur l'électricité. Puis on sait aussi que c'est comme une bête noire là, pour plein oui, de monde. Oui, tout à fait. Fait qu'on s'est dit, ben, ça fait qu'on en a beaucoup. On a comme élargi le catalogue depuis. Mm-hmm. Mais effectivement, sur la statique, en fait, on voulait aussi pouvoir permettre une progression en fonction des âges. Fait que souvent, on va aller faire la statique chez les maternelles. Fait qu'on a d'abord fait notre premier livre, c'était sur la statique. OK. Après ça, tu sais, on pourrait aller plus loin, aller vers les circuits électriques mm-hmm. en fonction du niveau. Puis après ça, on peut aller encore plus poussé parce que là, on va intégrer la chimie quand on aborde le livre de la pile de volts. OK. Fait que c'est pour ça qu'on a ces livres-là parce qu'ils sont très populaires. Puis on sait aussi que c'est quelque chose qui fascine les gens. Mm-hmm. Puis que c'est aussi des choses qui sont faciles à faire. Fait que dans le domaine de l'électricité, effectivement, on en a trois pour le moment. OK. Et pour la lumière, vous avez aussi un ou des ateliers? On en a un, c'est notre atelier sur la lumière et le laser. OK. Puis souvent, mais c'était ça aussi, tu sais, les gens aimaient beaucoup notre atelier, mais on mettait vraiment l'emphase sur le laser parce que c'est ce qui faisait l'atelier, sa particularité. Mm-hmm. Mais des fois, on mettait un peu la lumière de côté. Les gens disaient, ouais, mais c'est quand même, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la lumière, mais mm-hmm. Comme expérimentation. Oui. Puis on s'est aussi rendu compte dans le processus qu'effectivement, la lumière, c'est quelque chose qui est. Ça fait partie de nos vies. Là. On est tous entourés de lumière naturelle oui, et artificielle. Mais d'aller l'expliquer puis d'aller faire des expériences qui allaient nous permettre de se familiariser avec, c'était pas si évident que ça. Mm. Mais en plus, ben, on a la chance d'avoir Pierre comme illustrateur. Fait qu'on a pu faire notre premier Black Album, finalement. Et, je sais pas si vous avez la couverture devant vous, mais... Mais celui sur la lumière? Sur la lumière, oui. Oui, ouais, je l'ai, oui, je l'ai. Pierre. Oui, oui, c'est beau. Les couleurs par-dessus le noir, là, c'est ouais. Vraiment très joli, effectivement. Puis, on l'a reçu, on était bien impressionné. Ah oui, c'est le fun. C'est ça, c'est coloré, là, donc c'est attirant pour les enfants, entre autres. Oui. Si on revient sur les ateliers, vous disiez bon que vous les adaptez à différents âges. Est-ce que tous les ateliers peuvent être donnés à tous les âges ou il y en a que c'est vraiment, par exemple, pour les maternelles, comme vous disiez tantôt, ils n'ont à faire pour les 12 ans, par exemple? Non, c'est ça. Il y en a beaucoup. La majorité s'adapte. Okay. On va pouvoir aller faire de la maternelle à la sixième. Quand ils sont vraiment spécifiques, on l'indique sur notre site. Comme par exemple, criminalistique, mm-hmm. On parle vraiment d'un... Il y a eu mort d'individus. Tu sais. Fait que les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes trouvent ça bien fascinant, mais oui. On s'imagine que ça pourrait légèrement traumatiser un premier année. Les plus petits, oui. Puis on va quand même loin dans les concepts scientifiques qu'on aborde. Fait que oui, il y en a qui... Mais tu sais, par exemple, statique, on peut y aller en maternelle. Puis le lendemain, on peut aller en sixième année, mais on va tellement adapter le contenu mm-hmm. Que c'est facile. Mais il y en a d'autres que non, effectivement. Okay. On ne fera pas avec les plus jeunes. Mm-hmm. Vous parliez tantôt, vous avez deux autres livres, si j'ai bien compris, sur votre planche de travail. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, il y en a un qui est presque terminé, qui va porter sur les roches et les minéraux. Ah, intéressant. Puis l'autre qui porte sur le magnétisme. OK. Et c'est encore parce que vous avez des ateliers sur le sujet, j'imagine? On a effectivement un atelier qui est sur les roches et les minéraux. On a un atelier qui porte sur le magnétisme avec de l'électromagnétisme. Ça, c'est un bon exemple de comment on adapte. Pour les oui. plus jeunes, on va s'en tenir au magnétisme puis on va leur ouvrir une porte sur le monde de l'électromagnétisme. Alors que si on intervient avec des plus vieux, on va faire un rappel sur le magnétisme, s'assurer qu'ils ont les bonnes bases, puis rapidement, on va aller explorer le monde de l'électromagnétisme. Mm-hmm. Fait que le livre joue un peu dans ces mêmes cordes-là. OK. Puis ça va être le même concept que de ceux sur la lumière, circuit électrique et les autres, dans le fond. Comment? Ça va être toujours sur le même concept, vos deux nouveaux livres. C'est un fascicule avec toujours un personnage principal qu'on suit, une histoire et tout. Oui, tout à fait. C'est toujours le même espèce de cadre. Là. Un enfant qui observe un phénomène dans son quotidien, oui. Ça soulève une question, puis là, il va enclencher un processus de démarche mm-hmm. scientifique. Puis là, on va voir... On a voulu aussi que ça soit comme fait de façon subtile. Là. Un enseignant va reconnaître les étapes de la démarche qui font oui. partie du programme. Là, où tu vas planifier, tu vas faire ta réalisation, tu as ton bilan, tes hypothèses. Mais on voulait que l'enfant, pour lui, ça soit une lecture fluide, tu sais, qu'il allait pas, trop voir là, qu'il y avait des étapes, une démarche. Oui, ça passe plus comme une histoire. Exactement. Ouais. Justement, comment nos auditeurs peuvent se procurer vos différentes publications? Ben, en fait, ils sont disponibles dans toutes les bonnes librairies, les bibliothèques. Oui. Ils sont pas mal partout. Fait qu'ils peuvent juste demander aux libraires de leur coin local. S'ils l'ont pas, j'imagine qu'ils peuvent le commander. Il est disponible sur notre site web également. Oui. On en fait. Ils peuvent le commander en ligne, puis on les livre. Mais oui, les libraires locaux retenir ça. Donc, un peu partout. Un peu partout. Ah, ben c'est super. Martin, ben merci de nous avoir présenté vos livres, vos ateliers. Alors, merci de l'invitation. Ce fut un plaisir. Donc, j'invite les auditeurs de Futur Simple à aller consulter votre site Internet pour plus de détails, qu'ils soient professeurs ou parents. Ou parents, effectivement. Mmh. Les deux sont là. Et oui, bien. Bienvenue. Ben merci encore. Alors, je vous rappelle, nous étions avec Martin Brouillard, l'un des deux auteurs des deux nouveaux fascicules vulgarisés sur les circuits électriques et la lumière, édités par les éditions Multimonde. Passons maintenant à une petite pause musicale.